Quel est le mot pour dire je? Wo. Et en ajoutant de, point fermé, de, nous obtenons le mot wo de, qui signifie mon ou le mien, c'est le possessif. Les Chinois ont le sens de l'économie. Il n'y a donc qu'un seul mot pour former le mien, la mienne, les miennes. Il suffit d'ajouter de après je, tu, il, elle, etc. Et on obtient le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, les miens, les tiens, les siens, etc. Alors, comment dites-vous le mien, la mienne ou les miennes? 我的. Comment dites-vous je? 我. Il faut dire 我. 我. C'est 我 avec le V rouge de la victoire. Donc, comment dites-vous le mien? 我的. Non, ce n'est pas exactement ça. Pensez au gâteau rouge en forme de cœur. En le voyant, vous aurez probablement envie d'exprimer votre joie en criant « Waouh !» Donc, comment dites-vous « le mien, la mienne ou les miennes » avec le ton descendant et remontant ? « 我的 »« 我的 » Ainsi, « c'est le mien, c'est la mienne, ce sont les miens » se dira « 他是我的 » En suivant la même structure avec notre « de », comment dites-vous « le tien », « la tienne » ou « les tiennes » ?« Ni de ». De même, comment dites-vous « le sien », »,« la sienne » ou « les siennes » ?« Ta de ». Et comment dites-vous « le nôtre », »,« la nôtre », »,« les nôtres » ?« Wo men de ». Le vôtre, la vôtre, les vôtres. Ni men de. Et enfin, le leur, la leur, les leurs. Ta men de. Très bien. Et je vous le répète encore une fois, les Chinois ont le sens de l'économie. C'est pourquoi ils utilisent exactement le même terme pour former les mots comme le mien, la mienne ou les miennes, ou comme mon, ma ou mes. Donc, mon, ma ou mes se dit 我的. Mon comme dans mon livre. Et comment dites-vous mon livre? 我的书. C'est ça. 我的书. Donc, il suffit d'ajouter 的. Après n'importe quel pronom comme je, tu, il, elle, etc. pour obtenir les possessifs mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, etc. Donc, comment dira-t-on ton, ta ou tes? Ni ta. Et son, sa, ses? Ta de. Et notre ou nos? Wo men de. Votre ou vos? Ni men de. Et enfin, leur ou leur au pluriel. Ta men de. En chinois, le mot ami se dit Peng you. Peng, doigt bleu levé. You, V rouge de la victoire. Peng you, pour dire ami. Mon ami Johan était à la fois un as du ping-pong et du yoga. Mon pang yo. Comment dites-vous ami? Pang yo. Mon ami est très gentil, mais maintenant je ne peux pas le voir. Mon ami est très bien. Alors dites d'abord mon ami. Pang yo. Mais comment dites-vous le mien ou mon? 我的. Ami. 朋友. Est très gentil ou très bien. Ici, nous allons utiliser la règle des deux syllabes. Il est très gentil. 很好. Mais. 可是. Je. 我 maintenant 现在 ne pas pouvoir 不能 voir ou rencontrer quelqu'un 见 le ou il 他 comment dites-vous je 我 comment dites-vous mon 我的 il faut dire 我的 et comment dites-vous ami 朋友 attention c'est 朋友 朋友 oui et maintenant comment dites-vous mon ami 我的朋友 Comment dites-vous je? O. C'est 我 avec un O ouvert. Oui, en fait, c'était pas assez ouvert. J'aurais dû dire 我. 我的 pour mon. Mon ami est très gentil, mais maintenant, je ne peux pas le voir. 我的朋友很好。可是我现在不能见他。